Chapitre 3e. Xavier passa son après-midi à ruminer les impressions de la matinée. Sa vanité était flattée. Il avait touché le cœur d'une vraie femme du monde, élégante, coquette et toute pimpante dans sa fraîche beauté de 19 ans. En lui, le limon sensuel qui est au fond de toute créature humaine fermentait doucement à la tiède chaleur de ses préliminaires d'amour. Étendu dans le fauteuil où s'était appuyée la tête de Laurence, il croyait respirer encore cette fine odeur de violette dont les vêtements de la jeune femme étaient imprégnés. Il fermait voluptueusement les yeux et revoyait tous les détails de la scène du matin. Il n'essaya point ce jour-là de troubler de nouveau la solitude où Madame Lafrogne s'était enfermée. Il lui semblait de bon ton de se montrer tout d'abord généreux et réservé, mais le lendemain, il résolut de pousser plus avant. Après avoir procédé minutieusement à sa toilette, il prit sous son bras deux romans de Balzac afin de motiver sa visite et se rendit chez la femme de son propriétaire. Comme il traversait la cour, il rencontra Germain qui sortait du vestibule. « Vous alliez chez ma femme, monsieur Duprat ?» lui dit ce dernier. « Inutile, vous ne la trouveriez pas. Elle est partie hier pour Ambercourt. » Et comme, involontairement, à l'annonce de ce brusque départ, la figure du jeune homme s'était allongée, « Cela nous contrarie un peu, et à Saint-Émoi, » continua Germain en bourrant sa pipe, « parce que nous avons ici du travail qui nous retiendra jusqu'en juin, et que nous ne pourrons passer avec elle que les dimanches. Mais elle prétend qu'elle est souffrante et que l'air de la campagne lui fera du bien. Vous savez, quand les femmes ont une idée, il n'y a pas à aller contre. » Le jeune homme remonta chez lui fort désappointé. Cet expédient dilatoire, imaginé par Laurence, dérangeait toutes ses combinaisons. Pourtant, une réflexion vint mêler quelque douceur à l'amertume de sa déconvenue. Il fallait que Madame Lafrogne le redoutât bien fort pour avoir fui si rapidement. Cette précipitation à s'éloigner donnait la mesure de la fascination qu'il avait exercée et marquait combien la jeune femme avait conscience de sa propre faiblesse. Laurence avait eu peur, en effet. Comme beaucoup d'honnêtes femmes, elle pensait que l'amour platonique est d'une distraction parfaitement licite, où les maris n'ont rien à voir. Elle s'était percée de l'espoir que l'amour de ce jeune homme, si sérieux et si bien élevé, planerait constamment dans des régions angéliques et immatérielles. Qu'entre eux, la passion resterait pure, et que le désir des choses défendues, pareil à une hirondelle infatigable, volerait toujours au-dessus de leur tête sans jamais y poser son aile. Et la chute avait été si prompte. Le vol idéal avait été si court. La jeune femme était fort irritée de ces deux impertinents baisers qui étaient si vite descendus sur ses yeux. Et en même temps, elle éprouvait une douceur non pareille à se les rappeler, ainsi que la musique caressante des paroles que Xavier lui murmurait à l'oreille. Comme elle avait une nature droite et répugnant à la duplicité, elle se trouvait mal à l'aise en face des deux honnêtes figures de Germain et de Hyacinthe. Il lui semblait qu'on voyait sur son visage la trace des baisers de Xavier, et en présence des deux barbeaux, elle n'osait plus penser à son séduisant et audacieux voisin. Aussi saisit-elle le premier prétexte qui s'offrit pour s'enfuir à Ambercourt. Dans cette retraite heureusement située entre la rivière et un grand pan de forêt, Laurence croyait qu'elle serait à la fois plus protégée et plus libre. Elle n'aurait plus à craindre le voisinage troublant des fenêtres de Xavier. Elle pourrait penser à lui sans rougir devant Germain. Elle savourait les prémices de la passion sans risquer de se laisser entraîner sur une pente dangereuse. Cette innocente illusion ne fut pas de longue durée. Dès le surlendemain de son départ, Xavier Duprat devint un visiteur assidu des bois de Rambercourt. Au sortir du petit village de Fin, la colline boisée qui forme l'un des versants de la vallée s'avance comme un promontoire dans la plaine, dominant de ses futaies à pic l'eau tranquille d'un canal et les bâtiments de la ferme. Au point culminant, une tranchée dévale brusquement en face de Rambercourt, et par cette éclaircie, on peut, sans être vu, plonger comme un vol d'oiseau au-dessus des cours et des jardins. C'était là que Xavier venait s'installer chaque jour. Étendu à l'ombre, il épiait tranquillement, du haut de cet observatoire, tout ce qui se passait à la ferme. Pour amuser ses yeux, pendant les longues heures où il faisait le guet, la vallée prodiguait les charmes de son opulente parure d'été. Les vergers, où déjà rougissait la cerise, étaient pleins d'oiseaux chanteurs. Les prémures répandaient au soleil leur onduleuse et plantureuse verdure aux tons chauds semés çà et là de taches blanches ou dorées. Entre les saules et les peupliers, la rivière luisait par places comme de l'argent fondu, et de l'autre côté des prairies, les coteaux de Varney et de Bussy détachaient sur le bleu du ciel leurs vignes d'un vert phosphorescent. Au milieu de tout cela, il y avait des envolements de pigeons aux ailes mélodieuses, de sonores claquements de fouets, des gloussements de volailles, et parfois le passage d'un train lancé à toute vapeur qui traversait la vallée avec un long sifflement. Mais Xavier Duprat, peu sensible au spectacle de la nature, n'était préoccupé que d'une chose, le pavillon au volet vert qui s'élevait à l'un des angles du mur de la ferme. armé d'une lorgnette. Il n'avait pour objectif que ce corps de logis dont la blancheur ensoleillée tranchait sur les arbres du verger. Il espérait toujours que Laurence, lasse de sa réclusion, se laisserait tenter par l'ombre fraîche de la futaie voisine et qu'il viendrait se promener sous bois. Un jour, enfin, sa patience fut récompensée. Il vit la jeune femme ouvrir la porte qui donnait sur la forêt, franchir rapidement le canal et disparaître derrière les arbres de la lisière. Leste comme un chevreuil, il dégringola le long de la coulée ombreuse et comme Laurence gravissait le même chemin en sens opposé, un brusque tournant, elle se trouva soudain en face de Xavier Duprat. Elle étouffa un cri de surprise, devint pourpre et resta immobile au pied d'un hêtre. « Pardon, madame, » dit Xavier en saluant très bas. « Pardon de vous avoir effrayée. Croyez bien que malgré les apparences, cette rencontre n'a rien de prémédité. Depuis une semaine, je me trouvais si seul chez moi, la vue de vos persiennes constamment closes me faisait si tristement sentir mon isolement que j'ai voulu marcher au grand air. Un secret attrait m'a poussé de ce côté, mais j'étais loin d'avoir l'indiscrète pensée de troubler votre retraite. Le hasard seul a tout fait. » Laurence crut de ce petit discours ce qu'elle voulut bien, mais l'attitude du jeune homme était si pleine de respectueuse admiration. Sa voix avait des inflexions si tendres, son air doux et soumis contrastait si fort avec les audaces de l'autre semaine, qu'elle pensa qu'un accès de rigorisme serait ridicule. Au lieu de rebrousser chemin, elle continua de marcher à côté de lui dans le sentier qui était juste assez large pour qu'on pût y passer deux de front en se frôlant un peu. Xavier avait une langue dorée et il ne laissa pas languir la conversation. Côte à côte, le bras effleurant le bras, il suivait lentement les petites sentes moussues. Le soleil, tamisé par les hautes branches des hêtres, faisait pleuvoir des gouttes lumineuses sur l'herbe et sur les feuilles. Dans ce clair-obscur, çà et là, des encolis bleus et de grands orchis tachetés dressaient leurs têtes fleuries, tandis qu'au cœur de la futaie, les loriots brodaient des vocalises flûtées sur la base profonde des ramiers roucoulants. Sans déclamation, avec une grâce aisée et une mélancolie adroitement mesurée, Xavier parlait de son isolement, de ce besoin d'intimité qui lui donnait parfois la nostalgie de la vie de famille. Il avait une enfance si heureuse près de sa mère qu'il adorait. Le futur substitut s'entendait à merveille à faire jouer les cordes du sentiment maternel et des joies familiales. Laurence l'écoutait avec une sympathie toujours croissante. La beauté de cet après-midi de juin ajoutait encore aux séductions du langage de l'amoureux, et pendant des heures, la jeune femme resta sous le charme, si bien que le soleil y était déjà bas quand elle songea à rentrer à la ferme. Il la reconduisit jusqu'à l'orée du bois et lui arracha la promesse de se retrouver le lendemain au même endroit. Elle y revint. Tous deux prenaient goût à cette école buissonnière en pleine forêt. Le beau temps, la délicieuse griserie de l'amour qui commence, la piquante saveur du fruit défendu et surtout l'audace ingénue de la jeunesse faisaient passer Laurent sur les périls de ses promenades clandestines. Quant à Xavier Duprat, ravi de la tournure que prenaient les choses, il se montrait délicat et réservé, se gardant bien de gâter sa situation par de trop brusques attaques. Il savait rester sage et respectueux. En garçon raffiné et prudent, il se sentait d'ailleurs peu de goût pour les oriastis en plein air, qu'un garde mal appris ou un bûcheron indiscret peut venir déranger. Il était semblable à un écolier qui a volé un beau fruit, et qui, le sachant bien en sécurité au fond de sa poche, se contente de le tâter du doigt de temps à autre, en se réservant de choisir son heure pour le savourer à son aise. Il calculait qu'une fois complètement maître de la volonté de Laurence, il lui serait facile de s'insinuer dans les bonnes grâces des deux barbeaux, qui étaient gens amenés par le nez. Il deviendrait alors l'ami de la maison, le commensal préféré, et sans endommager sa réputation, sans compromettre son avenir, sans faire de scandale, il trouverait dans le confortable logis de la rue du Bourg bon souper, bon gîte et le reste. Un incident malencontreux vint gâter cette aimable perspective. Jusque-là, le beau temps avait favorisé les deux jeunes gens. Mais une après-midi, pendant qu'ils se promenaient sous bois, le ciel se brouilla et un soudain coup de tonnerre leur annonça un orage qui s'était formé à la sourdine. Ils étaient sur le versant qui descend vers Fin, et par une éclaircie, ils virent tout à coup la vallée obscurcie par de gros nuages. La rivière était toute noire. De larges nappes de pluie poussées par le vent commençaient à cacher les collines sous d'épaisses buées grises. Ils ne pouvaient rester en plein bois. Ils coururent le long de la lisière, en quête d'un abri un peu plus imperméable que les branches des hêtres. Justement, au pied de la côte, il y avait une brasserie, bien connue des pêcheurs à la ligne, qui allait s'y reposer auprès d'une chope quand le poisson ne mordait pas. Laurence et Xavier, toujours courant, se précipitèrent dans la foulerie qui formait une des dépendances de l'établissement, et là, cachés derrière les cuves, ils attendirent la fin de la bourrasque. Il faisait si noir dans ce bâtiment, uniquement éclairé par la porte cochère, qu'il ne craignait guère d'être reconnu. Au bout d'une demi-heure, les éclats de tonnerre devinrent plus sourds et plus lointains, la pluie diminua, et un rayon de soleil, perçant gaiement l'obscurité de la foulerie, annonça aux deux reclus qu'ils pouvaient reprendre la clé des champs. Comme ils quittaient leur refuge, juste sous le porche de la grande porte, ils se jetaient dans les jambes de Kidam, qui accourait en sens contraire et qui trempait jusqu'à l'échine, se hâtait d'entrer à la brasserie. Or, par une malheureuse chance, ce Kidam n'était autre que Delphin Ivar. Laurence le reconnut la première. « Courons, » dit-elle tout bas à Xavier, « c'est Monsieur Nivard. » Ils s'éloignèrent rapidement. Quand il fera 100 mètres, « êtes-vous sûr que ce soit lui ?» demanda Xavier. « Je le crois, » répondit-elle, « car il doit dîner ce soir à la ferme avec Hyacinthe et Monsieur Lafrogne. » Xavier Duprat se retourna d'un air inquiet vers la brasserie. C'était bien Ivar, en effet. Il était revenu sur ses pas et planté sur le seuil de la porte cochère, la main en abat-jour sur ses yeux, il paraissait lorgner, à travers les dernières buées de l'orage, le couple qui s'éloignait. « Voilà qui est fâcheux !» murmura Xavier Duprat, dont la figure s'assombrit. Laurence était tout aussi inquiète que son compagnon. Mais le voyant tourmenté, elle voulut le rassurer. « Bah, reprit-elle, il nous a vus que de dos et il a de mauvais yeux. Je vais vite rentrer à Rambercourt, où je changerai de robe et de coiffure avant qu'il arrive. Cela le déroutera. Soyez demain à l'entrée du bois, et je vous conterai comment les choses se seront passées. » Ils se quittèrent là-dessus. Le lendemain, dès 3 heures de l'après-midi, Xavier attendait Madame Lafrogne au rendez-vous indiqué. Le même jour, vers 2 heures, les employés du bureau de Nivard furent fort étonnés de voir leur chef de file enlever ses manches de lustrine, brosser son chapeau et quitter son fauteuil de cuir. Delphin Ivar était un modèle d'assiduité, et sa conduite était tellement anormale qu'elle stupéfia tous les plumitifs de sa division. Le chef de bureau enfila une rue détournée et, longeant les bords du canal, prit à son tour la direction de la ferme. C'était le chemin le plus long, mais aussi le moins fréquenté. Il arriva ainsi, masqué par les arbres, jusqu'à la lisière inférieure de la forêt, et là, sautant dans le taillis avec l'agilité d'un chat sauvage et l'adresse d'un braconnier, il chemina sans bruit sous la feuillée jusqu'en vue de Rambercourt. 3h30 venaient de sonner à l'église de Fin, quand Laurence quitta la ferme et s'engagea dans le sentier où l'attendait le jeune Duprat. « Eh bien ?» demanda-t-il, en scrutant d'un regard de juge d'instruction la figure un peu pâlie de la jeune femme. « Rassurez-vous, » répondit-elle, « je crois que Nivard ne se doute de rien. Quand il est arrivé pour dîner, je m'étais métamorphosé des pieds à la tête. Il n'a point paru me soupçonner, et il n'a pas soufflé mot de sa rencontre. Étant donné l'homme, s'il eût eu le moindre soupçon, il me l'aurait fait entendre par quelque allusion méchante, car il ne m'aime pas, et il n'aurait pas été fâché de me jouer un tour. « N'importe, » reprit Xavier d'un ton bref, « ces promenades en plein air sont imprudentes et il faut y renoncer. » Elle lui jette un coup d'œil surpris et attristé. « Soit, » murmura-t-elle, « puisque vous le désirez, c'est dans votre intérêt. » soupira-t-il avec un accent d'hypocrite abnégation. Elle secoua les épaules et fit une moue peu résignée. « D'ailleurs, » insinua-t-il doucement, « il me semble qu'il y a un autre moyen de nous voir, un moyen plus simple et moins périlleux, lequel ? Vous êtes seul le soir presque toute la semaine. Qui vous empêche de me recevoir à Rambercourt ? C'est impossible. Que penseraient les fermiers et les domestiques ? Votre pavillon est séparé de la ferme par les jardins, et tous ces gens-là se couchent comme les poules sitôt la nuit venue. Je ne suis pas seul. J'ai avec moi Marianne, votre femme de chambre. Elle loge dans les combles et vous au rez-de-chaussée. Vous pourriez vous débarrasser d'elle de bonne heure, et si vous laissiez ouverte la porte du bois, il me serait facile d'entrer chez vous à la nuit close. Je ne ferai jamais cela, » interrompit-elle avec véhémence, « ce serait mal. » Le mal gît surtout dans le scandale, répliqua-t-il d'un ton coupant et dur qu'elle ne lui connaissait pas encore. Plutôt que de vous exposer aux médisances du public, dans ses courses à travers les chemins, j'estime qu'il vaut mieux renoncer à nous voir. Elle baissa la tête et resta un moment silencieuse. « Non, » murmura-t-elle enfin, comme si elle se répondait à elle-même, « je ne puis pas vous faire entrer clandestinement à Rambercourt. Prêter les mains à une pareille chose, ce serait de ma part une sorte de trahison. « Aimez-vous mieux que j'y entre en escaladant le mur ?» demanda-t-il d'un air ironique. Elle eut la naïveté de prendre cette bravade au sérieux. « Ne vous en avisez pas !» s'exclama-t-elle effrayée. « On lâche les chiens la nuit, ils vous sauteraient à la gorge. » Il vit tout le parti qu'il pouvait tirer de cette crédule appréhension, et poursuivant d'un ton résolu, « J'en ferai l'essai dès demain soir à 9 heures, » dit-il, « n'en déplaise aux molosses de M. Lafrogne. Mais c'est une folie !» s'écria-t-elle en joignant les mains. « Vous perdez la tête, monsieur. Je vous jure que je suis parfaitement de sang-froid. J'escaladerai demain la muraille, à moins que vous ne préfériez m'ouvrir la porte du bois. C'est impossible. C'est votre dernier mot. À demain donc. Il en adviendra ce qu'il plaira à Dieu. » D'un air offensé, il la quitta brusquement, remonta le sentier et disparut avant qu'elle pût ajouter une parole.